Allez, jouons. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du FaceTime. À table FaceTime. Ah, moi, c'est bon, je suis prêt à jouer. Bah non, c'est toi qui anime, idiot. Ah oui, ben, c'est vrai, oui, excusez-moi. Bon, bah, alors je commence. De la gerbe, hein. Ah, déjà une réponse. Franchement, folie, mais j'y vais. Michael Jackson. Bon, bah, c'est plus du jeu, c'est moi, je joue plus, hein. Oui, c'était bien la bonne réponse, Michael Jackson. Du bravo, Maëva, bravo. Moi, j'étais en train de gerber parce que c'était très stéréo quand même comme ça. Ah oui, c'est le principe hein, de bien détruire l'émission. Il y a détruire et nous donner la gerbe. Hein. C'est vrai, je vous donne pas les autres indices aussi, vous voulez comme ça. On s'en fout. Ah, pardon. On s'en fout, ok. On s'en fout, on est un peu en retard en fait. On est en retard. Alors, deuxième personne. Deuxième manche. Burnt hair. Burnt hair. Voilà. Est-ce que vous avez une idée déjà? Pas du tout. J'ai pas compris ce que disait ce monsieur. Burnt hair. Burnt hair. Burnt comme monsieur Burns. C'est ça. Mais non. Pas du tout. Enfin, c'est. Il y a un délire, quoi. Bon, je vois pas. Maëva, une idée. Pas du tout, pas du tout. Allez, ok. Bon, bah, deuxième extrait. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. As the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed. Mom and Dog. Oui. Elon Musk. Bonne réponse, c'est bien Elon Musk. Je me suis dit, 3, 2, 1, décollage d'une fusée, c'est Musk. Et pourquoi du coup, ça fait 1-1. Burnt hair. En fait, c'est burnt hair. C'est le parfum qu'il a créé. Il a réalisé un parfum. Ah oui, à et odeur. C'est le nom du parfum. Poil brûlé. C'est ça. Il a fait un parfum. C'est ça. Oui, qui sent le poil brûlé. Tu sais quand ça sent un peu le cochon. Le cochon, le ralouf quand tu fais sur ton bras. Et voilà. Ça s'est vendu cette chose? Non. Ok. On y va, troisième manche. Heureusement, j'ai envie de dire. Hey, salut Mégane, salut Audrey. Franchement, je suis désolé. On peut pas se croiser, mais en tous les cas, je vous embrasse fort. Et j'espère que vous avez pris du plaisir en écoutant cet album là. Et puis j'espère vous croiser très vite. Salut. Voilà, une idée? Un rappeur. Un rappeur, tu penses? Ça peut être sur la voix d'un chanteur, du coup, vu que ça en parle, mais est-ce que c'est un rappeur vraiment ou pas? Je passe au deuxième indice? Oui. Vous n'avez pas de proposition? Jadoul, non plus? Non. Ça fait mal aux oreilles, hein, on est d'accord. Hein. Non. Et si vous voulez, je peux le remettre encore une fois. Non, non, ça va, non, vraiment pas. Troisième indice. Okay, troisième indice directement. Et on s'est dit, tiens, ça fait quoi si on mélange un homme et une poule? Tu vois? Ouais, les idées à la con quand t'as bu, tu vois. Et on a mixé ça, et ça a fait Christophe Maé. Voilà. Et ça sent qu'il y a de la poule. Devant. Oui. Est-ce que... Parti sans même nous dire adieu. Je? Oh non! Non, j'ai buzzé, mais j'allais dire Jérémy Ferrari, mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que comme je dis, parfois la réponse est sous le nez. Vous cherchez trop loin. Bon, pas dit. Pourtant, ça a été dit, hein. Vous voulez que je remette le son une dernière fois? Je le coupe. Ça a été dit. Qui l'a dit? Ah, le son. Ah oui, le son. Remets-nous le son où ça a été dit. Allez, je le remets. Et on s'est dit, tiens, ça fait quoi si on mélange un homme et une poule? Tu vois? Ouais, les idées à la con quand t'as bu, tu vois. On a dit, c'est ça. Oui. Christophe May. Bah oui, il l'a dit. Il a pas dit. Tu vas te couper le son, mais il l'a dit. Il a dit juste avant ça. Bon, j'en remets. On a mixé ça et ça a fait Christophe Maé. Christophe Maé. Oh là là, je l'avais pas entendu. Voilà. Oui, d'accord. Okay. La réponse était dedans. Hein. Mais du coup, la une, c'était quoi? Bah, la une, attends. Hop, regarde, j'en remets. Hey, salut Mégane, salut Audrey. C'est Christophe Maé? Ah, c'est juste Christophe Maé. Voilà, qui parle une des vidéo fans. De lui, quoi. C'est ça, une vidéo de lui, c'était. Mais pourquoi il parle comme un rappeur? Bah, bon, ça, ouais, Christophe Maé, quoi. Bah, du coup, bah, il va gagner.